إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. On continue avec le livre intitulé Al-Hujjaj Al-Qawiyya ala Anna Wasa'il Ad-Da'wa Tawqifiyya de Fadilat al-Sheikh Abdussalam bin Barjes bin Nasir al-Abdul Karim Rahmatullah alayhi Rahmatul Masya'a. Chapitre 2 Da'watu Ibadah. Le prêche est une adoration. الدعوة إلى الله تعالى عبادة عظيمة. أمر الله بها وحث عليها وجعل أهلها أحسن الناس قولا وأفضلهم عملا. فقال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فصلت الآية 33. L'appel à Allah Ta'ala est une grande adoration. Il nous y a ordonné. Il nous incite à cela. Et il a fait de ses prêcheurs, de ceux qui appellent Allah, les personnes qui disent les meilleures paroles et ceux qui œuvrent de la meilleure façon. Allah dit, subhanahu wa ta'ala, dans la traduction rapprochée, et quelle meilleure parole que celui qui appelle à Allah et fait de bonnes œuvres et dit, certes, je fais partie des musulmans. Sourate Fussilat, verset 33. Wal ma'na, le sens est la ahada. Ahsanu qawlan minhu likawnihi da'a ila Allah. Personne ne prononce de meilleures paroles que lui du fait qu'il appelle à Allah. Wa 'amila bima yad'u ilayhi, et il met en pratique ce dont il appelle. وَصَرَّحَ بِمَا هُوَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَخْجَلْ بَلْ قَالْ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Et il est clair, il dit donc clairement ce dont il est avec, et bien sûr donc il ne prend pas peur de dire cela. Et c'est pour cela qu'il dit, certes, je fais partie des musulmans. Wala gharwa an yarki al-da'i ila hadihi al-manzila fa huwa ahadu warathat al-anbiya fi wadha'ifihim fa inna wadha'ifahum وظيفتهم الدعوة إلى الله تعالى كما قال تعالى لخاتمهم وإمامهم قل هذه السبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. سورة يوسف الآية 108. Donc ici voilà غرور. C'est qu'il n'y a pas en vérité de vantardise que la personne ou que le da'i donc s'élève donc à cette noble place, c'est-à-dire que la personne prenne cette noble place, car il fait partie des héritiers des prophètes dans donc leur travail, le travail qui leur a été donné. Car leur fonction est l'appel à Allah Ta'ala. Et comme le dit Allah Subhanahu wa Ta'ala, en mentionnant le sceau des prophètes et leur imam, c'est-à-dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dit, celle-ci est ma voix, j'appelle à Allah avec clairvoyance. Moi et ceux qui me suivent, et gloire à Allah, et je ne fais pas partie du nombre des polythéistes. Sourate Yousuf, verset 108. Faqawluhu wa man ittaba'ani, et ceux qui me suivent, atfun ala dhamir fi ad'u ila Allah. Fafiha dalilun ala anna atba'ahu sallallahu alayhi wa sallam hum ad-du'at ila Allah ta'ala. Donc, le fait de dire et ceux qui me suivent, donc, est allié à la parole j'appelle Allah. Et cela est une preuve que ceux qui le suivent, sallallahu alayhi wa sallam, sont eux, ceux qui appellent Allah Ta'ala. Qala Ibn Kathir, rahmahullah Ta'ala, yaqulu Allah Ta'ala li rasulihi, sallallahu alayhi wa sallam, amiran lahu an yukhbira an-nasa anna hadhihi sabilahu, ay tariqatahu wa sunnatahu, wa hiya ad-da'watu ila Allah إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يدعو إلى الله بها على بصيرة من ذلك ويقين وبرهان هو وكل من اتبعه يدعو إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم على بصيرة ويقين وبرهان عقلي وشرعي انتهى كلامه في تفسيره رحمة الله عليه رحمة واسعة. Donc Ibn Kathir رحمه الله dit dans son tafsir, et Allah dit, Allah le Très-Haut dit à son envoyé, en lui ordonnant, donc il annonce aux gens que celle-ci est sa voie, c'est-à-dire donc son chemin et sa façon de faire, sa pratique, sa sunna, et celle-ci est l'appel à l'attestation de foi, qui est donc la ilaha illallah wahdahu la sharika la, et qu'il appelle à Allah à travers cela, avec preuve, c'est-à-dire avec clairvoyance, c'est-à-dire avec preuve, donc avec texte du Coran et de la sunna authentique, et aussi avec certitude, et bien sûr, donc, preuve toujours. Donc, clairvoyance et burhan. Donc, ici, tout le temps avec les textes. Et tous ceux qui le suivent dans l'appel à Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire tous ceux qui font comme a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, en employant Allah Azza wa Jal avec clairvoyance, certitude et dalil, et preuve, que les preuves soient, donc, de raisonnement, ou que ce soit les preuves de législation, donc légiférer. Donc voici tous ceux qui appellent à Allah. Donc de la meilleure façon, ce sont ceux qui suivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans leur façon d'appeler. وَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ فِي هَذِي الْأُمَّةِ طَائِفَةٌ تَدْعُو إِلَى اللَّهِ تَعَالَى فَتَرْشُدُ النَّاسَ إِلَى الْخَيْرِ وَتَأْمُرُهُمْ بِهِ وَتُحَذِّرُهُمْ مِنْ شَرِّ وَتَنْهَاهُمْ عَنْهُ. Certes, Allah Azza wa Jal a rendu obligatoire le fait qu'il y ait dans cette communauté un groupe de personnes qui appellent Allah subhanahu wa ta'ala. Et elle les guide, elle guide les gens vers le bien, elle leur montre le bien, et elle leur ordonne ce bien, et elle les prévient contre le mal, et elle leur interdit ce mal. Allah ta'ala, وَتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. سورة آل عمران والآية 104. Allah dit qu'il y ait parmi vous, donc un groupe de personnes qui appellent au bien et qui recommandent le bien et qui réprouvent le mal, ce sont eux les gagnants. Wa qala ta'ala ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idati al hasana wa jadilhum billati hiya ahsan. Surat an-Nahl wal ayat 125. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi, appelle à la voix de ton Seigneur par la sagesse et par la bonne exhortation et discute avec eux de la meilleure façon. Surat an-Nahl, verset 125. Wa'timadan ala hadhihi al-ayat al-kalimat sarraha al-ulama rahimahumullah ta'ala bi anna ad-da'wata ila Allah ta'ala فرض كفاية يجب على طائفة من المسلمين القيام بها في كل زمان ومكان فإن لم يقم بها أحد منهم أثموا جميعا. انظر مجموع الفتاوى 15165. En se basant sur ces nobles versets, les ulama ont été explicites, rahmahumullah, pour dire que l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala est une obligation pour, donc, à l'al-kifaya. Donc, il est obligatoire pour un groupe de musulmans de mettre en pratique cela. Donc, de faire vivre cela en tout temps et dans tous les endroits. Et si personne d'entre eux ne fait cela, donc, tout le monde sombre dans le péché. Tout le monde se retrouve dans le péché. Revenir à Mejmou al-Fatawa de Cheikh Ibn Taymiyyah rahmallah, tome 15, page 165. وَلَقَدْ رَتَّبَ الشَّارِعُ لِمَنْ قَامَ بِهَذَا الْأَمْرِ ثَوَابًا عَظِيمًا وَأَجْرًا جَزِيلًا فَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ السَّعْدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِيٍّ وَاللَّهُ لَنْ يَهْدِ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ. Et Allah subhanahu wa ta'ala octroie pour cette chose-là, pour celui qui met en œuvre, donc cet appel à Allah azza wa jalla, cette dawa, lui octroie et lui donne une grande récompense. Et il est mentionné dans Sahih al-Bukhari Muslim, ou Sahl ibn Sa'd rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Ali, par Allah, si Allah guide par ton billet une seule personne, donc cela est meilleur pour toi que la chamelle rousse. Et la chamelle rousse, c'est parmi donc, c'était justement donc la bête la plus chère, la bête, la monture la plus chère et la plus recherchée. Humlun na'am هي الإبل الحمر وهي أنفس أموال العرب يضربون بها المثل في النفاسة الشيء وأنه ليس هناك أعظم منه. شرح مسلم للإمام النووي رحمه الله 15 178. Donc حمر النعم, c'est donc la chamelle rousse qui est donc ce qui est de plus cher chez les Arabes, et lorsqu'ils veulent donc donner un exemple sur quelque chose de bien, donc ils donnent cet exemple-là, sur quelque chose de très important, de cher à leurs yeux, ils donnent l'exemple de cette chamelle rousse. Et qu'il n'y ait pas au-dessus de cela quelque chose de meilleur. Donc il n'y a pas au-dessus de cette chamelle rousse quelque chose de meilleur. Donc imaginez-vous. C'est-à-dire que c'est meilleur de ce qu'il y aurait dans cette vie ici-bas. Wa fi sahih Muslim an Abi Hurayra radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala man da'a ila huda kana lahu min al-ajri mithl ujuri man tabi'ahu la yanqusu min ujurihim shay'a wa man da'a ila dalala kana alayhi min al-ithmi mithl آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. Il est rapporté aussi dans l'authentique de Muslim ou Abu Huraira, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui appelle à une guidée aura la récompense équivalente de ceux qui l'ont suivi sans que leur récompense, la récompense de ceux qui l'ont suivi, ne soit diminuée en quoi que ce soit. Et celui qui appelle à un égarement, il subira du péché, donc équivalent au péché qu'ils ont reçu, c'est-à-dire ceux qui l'ont suivi, sans que ces péchés ne leur soient diminués en quoi que ce soit. وفي صحيح مسلم أيضا عن أبي مسعود الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله فله مثل أجر فاعله. Et dans l'authentique de Muslim aussi, où Abu Mas'ud al-Ansari radiallahu anhu dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui guide vers un bien aura la récompense de celui qui fait ce bien. فليستبق المسلمون إلى هذا الفضل وليغتنموا هذا الثواب وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. Que les musulmans s'empressent, qu'ils soient les premiers à donc recevoir ce bienfait, donc à mettre en œuvre ce bienfait, et qu'ils profitent de l'occasion de recevoir donc cette récompense. Et pour cela, que ceux qui veulent se concurrencer, donc qu'ils le fassent, donc les gens qui ont envie de se concurrencer, qu'ils le fassent. ومما لا يخفى على ذي عقل وبصيرة شدة حاجة الأمة في كل زمان وخاصة في زماننا إلى الدعاة الصالحين المصلحين الناصحين المشفقين وذلك لما ألم بهذه الأمة من الغزو الخارجي لأفكارها وعقائدها وأخلاقها بما ألقاه في أوساطها من فتنة الشهوات والشبهات. Et cela n'est pas donc sans savoir pour celui qui est doué de raison et de clairvoyance que la communauté a fortement besoin en tout temps et spécifiquement et spécialement dans cette époque, à cette époque, de prêcheurs pieux, ceux qui donc révoque, arrange les choses. Ce sont des personnes qui conseillent, qui sont compatissantes du fait que cette communauté a été fortement touchée par les attaques extérieures, donc c'est-à-dire vis-à-vis des pensées, vis-à-vis des réflexions, vis-à-vis des croyances, vis-à-vis des comportements. Donc tout ce qui a été en vérité donc insufflé à l'intérieur donc de la communauté musulmane parmi donc les désordres, parmi les turpitudes et désordres, parmi les shahawat, donc les passions, les shahawat, donc les passions, ou shubuhat, les ambiguïtés, et shubuhat, les ambiguïtés. Donc, فليحذر المسلمين, hein, فيحذر بالمسلمين خصوصا العلماء منهم وطلبة العلم تصدي لهذه الشرور والقضاء عليها كل حسب طاقته ووسعه والله لا يضيع أجر المحسنين. Donc, il faut et il sied aux musulmans et spécialement aux savants parmi les musulmans et aux étudiants en sciences religieuses de barrer la route, donc, et de mettre une barrière entre eux-mêmes et ces maux, et aussi de combattre au point à, donc, à faire disparaître ces maux-là. Donc, il faut qu'il y ait un combat à l'éha. Il faut que, justement, qu'on arrête ces maux. Et chacun, selon ses capacités et ses performances. Et certes, Allah ne va pas perdre la récompense des personnes pieuses. Allah ne va pas perdre la récompense des personnes pieuses. Si réellement les gens savent cela, donc ils vont bien être sauvés et la communauté sera sauvée. Donc s'ils font cela, ils auront en vérité été sauvés et la communauté sera sauvée. Et s'ils délaissent, donc le fait de recommander le bien, de réprouver le mal et d'arrêter ce mal, donc tous ensemble, ils seront dans le péché. Donc selon, bien sûr, donc la hauteur ou la capacité de ce qu'ils ont laissé comme mal. Selon en vérité, donc le genre et le type de ce qui a été délaissé comme mal. Et bien sûr, le mal et les mots vont se propager. Les mots vont donc se propager. Donc, on a terminé pour ce qui est de ce chapitre-là. Et bien sûr, il faut donc remercier donc fortement et invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, pour tous ceux parmi les ulama et depuis donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à nos savants donc de ces jours qui ont donc tant bien que mal justement fait tous les efforts pour qu'ils puissent justement donc nous protéger de tous les maux qui nous ont touchés, qu'ils soient extérieurs ou intérieurs. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala donc de leur faire miséricorde et de les protéger, donc de faire miséricorde à ceux qui sont morts et de protéger et de le garder dans cette voie, donc ceux qui sont vivants et qui nous protègent de tout maux. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته